Donc on va passer à la suite. En fait, la prochaine intervention qu'on vous propose est née d'une idée, d'un projet qu'on a discuté entre nous. Certains nuits deboutistes ont eu cette idée-là, d'une nuit debout itinérante. Et donc on a voulu en parler avec vous aujourd'hui pour voilà, savoir ce que vous pouviez en penser et quelles idées on pouvait trouver tous ensemble autour de cette idée-là. Donc je passe la parole à certains d'entre nous, voilà, pour parler de ça avec vous. Donc bonjour, certains d'entre nous, enchantés. Alors, en fait, je ne sais pas si vous avez vu le film La Marche, qui est sorti il y a quelques années déjà et qui reprenait une marche qui avait été faite en 1983 contre le racisme. C'était, je crois qu'il y avait presque une centaine de personnes. Il y avait des descendants d'immigrés, notamment, et en tout cas des personnes qui avaient été, en général, victimes de racisme et qui avaient décidé, du coup, de faire... il me semble qu'ils partaient de Marseille et ils remontaient jusqu'à Paris dans le but de rencontrer, enfin, en traversant différentes régions de France, pour rencontrer les habitants et essayer de comprendre quelle haine pouvait y avoir derrière le racisme et savoir si tous les Français étaient racistes ou non. Pendant cette traversée-là, donc ils ont, il y a des vidéos d'ailleurs disponibles sur Internet autour de ça, et donc ils se sont rendus compte que beaucoup étaient racistes, mais pas tous, et donc ça a été une expérience assez assez importante pour eux. Et surtout, une des fonctions principales aussi de cette marche, c'était d'aller à l'envers du processus de médiatisation qui consiste à ce que, bon, il y a des grands groupes qui transmettent certaines images et qui les interprètent, et que face à ça, le spectateur devant sa télé est un petit peu complètement même passif, et qu'il considère que ce qui lui est donné, même s'il a différents médias, est quand même plus ou moins représentatif de la vérité. Donc, de là, nous avons une idée, comme ça, qui a émergé. On s'est dit, et si on faisait une nuit debout itinérante? Alors, nuit debout itinérante, ce serait quoi? Ce serait, donc au début, c'était une idée, voilà, comme ça, on a commencé à en parler. Ce serait partir à plusieurs, avec le même système qu'on a trouvé ici en arrivant à nuit debout. Non? C'est-à-dire qu'en fait, une des choses qui nous semblait fondamentale qu'on a trouvé ici, au-delà des débats, au-delà des commissions, au-delà de l'aspect des revendications politiques, c'était la possibilité que toutes les personnes qui partagent une même place se rencontrent parce qu'elles partagent cet espace en commun. Et donc on s'est dit que justement, donc, pour aller à l'envers de la médiatisation et aussi pour favoriser cette rencontre dans d'autres lieux, on pourrait partir, faire le tour de la France avec un camion, des vélos, à cheval, bon, moi je voulais à cheval, mais tout le monde n'était pas d'accord. Et du coup, arriver de place en place, rester par exemple sur une place pendant une journée, discuter avec les personnes qui sont là, donc plus ou moins accueillantes certainement, et puis repartir le soir dans un endroit qui ne dérange personne. Et voilà, donc l'idée vraiment de cette nuit debout itinérante, c'était pas sous forme de manifestation, il n'y avait pas de revendication, c'était pas qu'on voulait pas apporter des revendications quelque part, c'était plutôt rencontrer à ce moment-là peut-être les revendications qui étaient déjà là, essayer de dire un petit peu aux gens ce que nous on avait rencontré avec Nuit Debout, donc ce serait aussi vraiment repolitiser la France d'une certaine façon, voilà, ça fait tout de suite utopique, ou on va faire un truc de fou, quoi. Et donc, après, par rapport à ça, on a réfléchi aussi un petit peu à la question du nombre. On s'est dit, si on arrivait à plus de 20 ou 30, ça risquait de faire occupation directement des places, enfin, de façon un peu massive. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que soit on n'était pas très très nombreux à partir, et dans ces cas-là, on partirait à 20 ou 30, et si des centaines, des milliers de personnes voulaient partir, alors là, du coup, super, ils m'ont dessiné une France, ils sont trop forts. Du coup, on s'était dit... que si on était... voilà, des centaines de lire, et ben on pourrait faire des points de départ, voilà, à peu près plein de bouts de la France, et qu'en fait les marches iraient toutes converger, je dirais, là où tous ces points peuvent se rencontrer. Donc vous imaginez bien que c'est pas Paris, hein, parce que Paris c'est pas le milieu de la France, hein. Donc certainement qu'on arriverait dans un no man's land qu'on occuperait à 2000, ce serait très sympathique. Et du coup, en termes humains, ce serait aussi nettement moins coûteux parce que ça éviterait de partir pendant 6 mois, on peut pas tous le faire, hein. Donc peut-être que du coup, je crois que la marche contre le racisme, ça leur avait pris 2 mois de faire Marseille-Paris. Donc dans l'idée, se retrouver au centre, si on part tous de ces points-là, ça pourrait être 2 mois aussi en tout. Donc voilà, c'était l'idée de base qui est devenue après un peu un rêve qu'on a tous partagé. Maintenant peut-être possible et puis peut-être à venir. Voilà, bah qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à lever la main pour poser une question ou faire une intervention. C'est quand même un projet qui appelle des réflexions. Ah. Bonsoir. Ce que je voulais savoir, enfin j'ai une question d'abord, j'ai pas tout à fait tout entendu, c'était une marche contre le racisme ou... D'accord, ok. Parce que si c'était contre le racisme, enfin... Ok, d'accord. Okay. Nous, les Français, on n'est pas racistes, c'est l'histoire et l'éducation française qui est raciste, quoi. En fait, l'idée, c'était pas justement de faire... l'exemple de la marche du racisme, c'est vraiment le départ de... qui nous a fait réfléchir à ça. Mais là, l'idée, c'était vraiment, en fait, de partir à plusieurs... n'importe, d'aller un peu partout, dans les villes, les villages, sur les places, et de proposer en fait un espace de parole et de discussion et d'écoute et de partage avec tous les gens qui le souhaitent. Parce qu'on a remarqué en fait en étant ici que d'une part, l'espace de parole, il y avait beaucoup de gens qui s'en saisissaient, et il y avait beaucoup de gens qui avaient vraiment besoin d'exprimer quoi que ce soit, un peu tout, et d'être entendus et de partager à partir de leurs pensées et leurs paroles. Et donc nous, c'était vraiment l'idée de partir et de proposer cet espace de parole de manière itinérante un peu partout pour que chacun puisse s'exprimer, penser tous ensemble, réfléchir, poser des questions, n'importe. Sur les thèmes qu'ils souhaitent et que tout le monde puisse avoir comme ça cette parole. Et puis c'est pas seulement aussi partir dans la perspective de proposer un dispositif. Enfin, on n'est vraiment pas dans l'idée d'aller apprendre à vivre aux gens, quoi. C'est nous dans notre route aussi, c'est aussi se prendre un petit peu des réalités qu'on connaît pas dans la figure, réfléchir aussi à nos pratiques, réfléchir à ce qu'on peut intégrer dans les propositions, etc. Donc c'est vraiment dans une perspective de construction collective et de voilà d'élargir un petit peu. Alors on sait déjà qu'il y a Nuit debout en province, on va pas apporter la bonne parole ailleurs. C'est plus l'idée vraiment de ce déplacement et si Nuit debout effectivement a existé dans des villes, dans les grandes capitales de province, régionales, ou dans des petites villes, etc., c'est aller un petit peu au-delà, et vraiment dans cette idée d'engagement dans le déplacement, quoi, d'aller à la rencontre. Et donc, effectivement, on peut aussi s'appuyer, travailler avec les gens qui sont dans les Nuits debout de province, et puis voilà, aller à la rencontre et nous-mêmes nous éduquer, voilà. Bonjour, j'ai bien compris votre commentaire. Alors, vous dites de partir, de retrouver ceux qui sont en train de faire la même chose peut-être que nous, mais pas dans le même principe. Mais alors, si on n'est pas vraiment dans les mêmes valeurs, je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que on va aller voyager et on va pas être d'accord sur des valeurs qui peut-être pour vous c'est pas la route et que pour nous c'est autre chose. Bah, en fait, c'est justement le principe. C'est, si on n'est pas d'accord, arriver à se à concevoir autre chose, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on est ici avec notre réalité qui est géniale et qui est locale, etc. Et c'est aller un petit peu au-delà et d'aller rencontrer... Alors, il y a des coordinations de Nuit debout et tout ça. Mais bon, c'est voilà, on sort un peu Nuit debout aussi. Donc, c'est pas question d'aller proposer nos valeurs. C'est c'est plus effectivement aller rencontrer les gens et échanger autour des valeurs. Si on n'a pas les mêmes, justement, c'est pour en discuter. C'est un peu ça. Enfin, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais voilà. Oui, pour rebondir, le but, c'est pas du tout de converger vers quelque chose où on serait tous d'accord, au contraire. C'est de savoir, d'ailleurs, ce qui serait très intéressant, c'est de produire avec ça un cahier de doléances national. Enfin, voilà. Quelles sont toutes les revendications qu'on ne voit pas à Nuit Debout, parce que Nuit Debout n'existe pas partout. Donc, ce serait aussi, je disais, voilà, aller contre la médiatisation, du coup, qui donne une image assez restreinte. Juste parenthèse, je précise qu'il y a encore des gens qui filment, hein, donc si vous souhaitez pas être filmé, décalez-vous ou, en fonction du champ de la caméra approximatif. Après, il y a la dame derrière. En fait, ce que je voulais juste dire, c'est que effectivement, si on avait tous les mêmes valeurs et si on était tous d'accord, il n'y aurait pas vraiment besoin de démocratie. Donc c'est un petit peu pour ça qu'il faut échanger, justement. C'est justement parce qu'on n'est pas d'accord. Si on regarde la carte qui est publiée sur le site de Nuit Debout, on voit que pratiquement il y a un peu partout les Nuits Debout. Alors il faudrait premièrement demander leur avis s'ils veulent accueillir cette caravane qui va se mettre en place. Et puis deuxième remarque, c'est je pense que c'est pas bien de ne pas avoir du tout de revendications. De dire ouais, on vient juste pour discuter, pour voir un peu comment vous êtes, vous, etc. C'est c'est sympa, mais est-ce que ça suffit comme projet? Je trouve que c'est une excellente idée en fait de faire ça, parce que je trouve, enfin, je donne un avis un peu personnel, Paris est trop séparé de la nation. Hein. Paris est trop séparé. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que personnellement, je trouve que Paris, c'est la ville de Paris est trop séparée de toute la nation en fait. Et ça nous permettrait, par exemple, de, enfin, nous, on vit une vie de citadin et bon, moi, par exemple, ça m'arrive d'aller un peu à la campagne et de découvrir la vie des agriculteurs et de ce que, enfin, ça me permet de découvrir leur vie vraiment. Du début jusqu'à la fin, pas après pas, étape après étape, savoir ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, pour quelles raisons ils le font. Enfin, c'est bien de faire ça, ça nous permettrait de s'ouvrir l'esprit complètement et de se lier, parce que le but de ce mouvement, c'est pas de se diviser, d'aller chercher chez les autres savoir ce qui se passe, mais plus pour en donner un avis, mais plus pour unir nos idées et avoir une pas une grande pensée générale qui arrange tout le monde, parce que de toute façon il y aura toujours des je sais pas trop. C'était juste une petite parenthèse pour dire qu'effectivement on est filmé par une chaîne turque ATV, donc voilà, s'il y a des gens qui souhaitent pas être filmés, apparaître, etc., vous pouvez toujours vous mettre de dos de l'autre côté, voilà, c'est juste pour prévenir. C'est juste pour rebondir sur ça. C'est une question bien plus pratique en fait. Mais je me suis demandé, est-ce que ce serait pas dangereux du coup, avec une marche itinérante, de faire une sorte de déperdition du mouvement? C'est-à-dire qu'ils ont déjà leur Nuit Debout dans le sud. Je sais qu'à Montpellier, ils l'ont, ils en ont un peu partout en France. Est-ce que ce serait pas embêtant du coup de clairsemer déjà ce qui au départ était une occupation en se déplaçant? Est-ce qu'il faudrait pas plus plutôt se concentrer sur ce qu'on a déjà, c'est-à-dire ici, avant finalement de se déplacer et peut-être de perdre les endroits entre guillemets qu'on a eu, quoi? Donc c'est juste une question purement pratique en fait. Voilà, c'est juste que ça risque pas de diluer le mouvement tout simplement en fait. Voilà. Oui, non, mais du coup, je voulais revenir sur l'idée de faire des convois comme ça. Est-ce que c'est l'idée de parler de chaque Nuit Debout et de leur proposer de, par exemple, faire une tournante des Nuits Debout, de naviguer entre les... ou plutôt une initiative de Nuit Debout Paris qui va se déplacer en province? Parce que du coup, je trouve que c'est vrai qu'il y a cette initiative qui existe déjà, qui est assez présente en France dans plein de villes. Est-ce qu'on pourrait pas le penser plutôt, oui, voilà, enfin, une espèce de mélange entre les villes, appeler un peu à toutes les Nuits Debout, à se mélanger, à dire Marseille va à Montpellier, enfin, etc. comme ça, faire une tournante, plutôt que de dire on fait un convoi un peu parisien, d'aller dans les Nuits Debout, enfin, je sais pas, voilà. Alors, en fait, juste pour répondre sur la question de la province et de Paris, enfin, déjà, un petit détail, mais qui n'en est pas un, c'est que... rien que là, nous, notre petit groupe qui avons pensé à ça, on vient pas tous de Paris. Je pense que c'est important, même si là on est à Paris, il y en a plein qui viennent d'ailleurs en France. Et puis en plus, le but c'est pas forcément que ce soit notre groupe qui fassions toute l'itinérance. Justement, s'il y a des, par exemple, vous pourrez partir à 5, mais parmi les 5, il y en a qui resteraient une semaine et qui repartiraient à Paris. Et entre temps, il y a d'autres gens qui nous rejoindraient et ce serait comme ça une sorte de grand mélange joyeux. voilà. Et puis, je pense pas qu'on ait pas de valeur. Enfin, l'idée c'est vraiment non pas d'exporter la nuit debout parisienne dans toute la France ou de remplacer toutes les nuits debout qui existent en fait. C'est plutôt, après il faudrait réfléchir au nom d'ailleurs, parce qu'on appelle ça nuit debout itinérante, mais à voir, ça pourra changer, parce que peut-être qu'à ce niveau-là ça fait une petite confusion. Donc c'est pas de remplacer ni d'aller au sein des nuits debout qui existent un peu partout, s'exporter comme ça. C'est vraiment de se balader même en dehors des nuits debout justement pour proposer un espace à mon avis de parole et de discussion, de débat en dehors vraiment au-delà même de nuits debout, parce qu'imaginons que nuits debout s'éteignent demain, je le souhaite pas bien sûr, mais voilà, on pourrait quand même continuer et faire ça. Donc après à réfléchir par rapport au nom, peut-être que nuits debout itinérantes du coup ça prête à confusion, mais oui, par rapport à l'occupation des places, pour moi, les deux peuvent tout à fait exister en même temps. Enfin, au contraire, d'ailleurs. Et tout à fait, on s'était dit de toute façon qu'on en, si jamais, enfin voilà, dans l'idée de le faire, bien sûr, on enverrait déjà un message à toutes les nuits debout pour savoir ce qu'ils en pensent, de quelle façon ils souhaiteraient le mettre en place. Mais l'idée, comme tu le disais, c'est que ce soit pas le mouvement de nuit debout. C'est, on se disait même, bah, peut-être que voilà, en marchant, en passant de village à village, de ville en ville, et ben bah, finalement, il y a plein de gens sur place qui voudront nous rejoindre. C'est peut-être utopique, mais on n'en sait rien. Enfin, peut-être, parce que finalement, les gens qui ne sont pas déjà dans des nuits debout ne savent pas ce que c'est que cet espace de rencontre, et peut-être qu'ils nous proposeraient d'autres espaces de rencontre par rapport à la façon dont ils le font sur place. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée que soit comme je le disais par rapport à la carte, on part de différents points et on se rejoint en un centre, soit on fait un tour du coup qui sera beaucoup plus long, donc forcément que ceux qui partent au début vont pas rester pendant 6 mois. Enfin voilà, il y en a d'autres qui vont venir à ce moment-là. Ça, le but c'est vraiment que ça change en fonction de là où on passe, en fonction des gens qui veulent rejoindre le mouvement. En fait, je voulais juste dire que ce projet, je le trouve très intéressant, aussi parce que ça, nous, on vient de Toulouse, et on fait un petit peu ce que vous prévoyez de faire, c'est-à-dire qu'on fait un tour des nuits debout, en photo, on essaie de faire un petit reportage photo là-dessus, sur les manifs aussi, et sur tous les mouvements qui en ce moment, pour essayer de documenter un peu les différences qu'il y a d'un endroit à un autre, et il y en a, mais alors beaucoup. Et je pense que ça peut être très très intéressant de réussir aussi éventuellement à faire venir des gens des autres nuits debout ici, parce que bon, Paris c'est quand même assez central, et de discuter de la façon dont ça se passe dans différentes villes avec des gens qui viennent de là-bas, parce que ici par exemple c'est sur une place, à Bordeaux ils sont en train d'exporter ça quartier par quartier et de changer un petit peu tout le temps, et de juste se retrouver sur la place de la République à Bordeaux une fois par semaine et le reste du temps d'exporter la nuit debout ailleurs. À La Rochelle, ils ont carrément des locaux en permanence qu'ils ont construits avec des palettes. Enfin, ça dépend énormément des villes, c'est pas du tout les mêmes types de personnes. À Rennes, ils ont carrément quasiment supprimé la nuit debout au profit des manifestants qui discutent de tout ça ici et là, mais plutôt dans les AG qui vont avec les manifestations. Enfin, c'est, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à faire autour de ça, effectivement. Voilà. Oui, donc je voulais juste revenir par rapport à ce qui avait été dit tout à l'heure, monsieur là-bas, que ça pouvait un petit peu tuer Nuit Debout, vraiment tuer dans l'œuf, parce qu'il y a vraiment un vecteur, quelque chose d'intéressant qui se fait. Mais si on veut vraiment mettre en valeur une convergence des idées avec différents mouvements, je pense que c'est mieux que chacun à son niveau, au niveau de sa ville, au niveau de ce qu'il peut voir en fait concernant le mouvement, bah, qu'il le fasse directement. Et qu'il reste dans son coin plutôt que tous se rassembler en un coin de la France. Et le danger serait peut-être même que ce soit relégué par des médias et que vous ne maîtrisiez plus vraiment le mouvement arrivé à un certain point. Donc l'idée, ce qui serait bien, serait plutôt d'avoir le dénominateur commun qui reste Internet et que tout le monde peut consulter assez facilement pour avoir pouvoir mettre en avant nos idées plutôt que voilà aller tous à un point central. Ça risque d'affaiblir un petit peu le mouvement et puis peut-être qu'à un moment, bah vu que 2 mois quand même c'est assez long, il arrivera peut-être un temps où on n'aura plus grand chose à dire. Et donc l'idée serait plutôt de se consulter mutuellement par Internet. Ça me paraît plus logique. En même temps, il y a énormément de choses à faire, chacun à notre niveau, au niveau de notre ville, en faisant des petits rassemblements, une sorte de petite résistance comme ça, plutôt que voilà, se retrouver dans un point central. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais je crois qu'on se rend peut-être pas bien compte des fois quand on est justement en nuit debout, à quel point la majorité de la France n'y est pas, quoi. La majorité de la France n'y est pas, et aussi, elle a vraiment que cette vision des médias et ce qu'ils leur donnent. Donc, si on reste dans le système de nuit debout et qu'il existe maintenant, je suis pas sûr qu'il y ait plus de gens qui viennent, d'un certain côté. Après, par rapport au, alors là, quand je disais la convergence, enfin, je veux dire, c'est juste la fin, quoi, parce que comme ça permettra, tu vois, c'était un petit peu dans une idée de, j'aime pas trop le mot quadrillage, mais d'aller du coup dans le plus d'endroits possible en faisant ça, c'était l'idée. Mais voilà, quand on arrivera au milieu, juste on pourra chacun raconter l'expérience qu'il y a eu autour de ça, et puis après, on retourne à nuit debout telle qu'elle est. Enfin, c'est pas l'idée. L'idée principale, c'est pas le rassemblement au milieu, quoi. Ça, c'est juste la fin du truc. Bah après ça, on continue nuit debout telle que celle-là, sauf que toutes les personnes qu'on aura rencontrées, quand ils verront ce que les médias disent, ils auront une autre expérience par rapport à celle qu'ils auront eue dans l'échange avec nous, dans l'échange entre eux, et peut-être que du coup, enfin, je ne sais pas, mais peut-être que du coup, nuit debout va exister différemment dans chaque village, mais c'est vraiment l'idée de repolitiser en fait tous les gens qui ne sont pas à nuit debout, et pas forcément dans une convergence de ce qu'on peut défendre ici. Je vais un peu faire l'avocat du diable, en fait, et je me dis, en fait, vu que c'est à Paris, sur la place de République, dans un endroit très central, finalement, par rapport à ce que tu disais, on a l'impression qu'on est très nombreux, ça donne une impression vraiment de masse et de majorité, alors que si jamais on se déplace en France, il y aura peut-être l'impression qu'on est une minorité, qu'on aura l'air beaucoup plus seul à se déplacer, alors qu'ici, du coup, on influence directement beaucoup de monde, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, du coup, symboliquement, et visuellement, ça fait plus, en fait. Je sais pas comment expliquer. Alors que, de manière itinérante, peut-être que ça risque d'avoir à l'air d'un mouvement isolé, en fait. Et alors qu'ici, vu que c'est sur la place de la République, par exemple, dans des places de grandes villes, ça a l'air beaucoup plus massif. Alors même qu'il n'y a pas forcément plus de personnes. Enfin, c'est une idée comme ça, je sais pas. Après. Alors, à ce sujet. Je sais pas si on peut calculer ça ou pas. Je suis d'accord sur le fait qu'on a. En restant ici, on a l'impression qu'on forme pas une majorité, mais en tout cas un très grand nombre sur une place, que ce soit tous les soirs, etc. Je pense par ailleurs que Nuit Debout, avec tout ce que ça recoupe, hein, Nuit Debout Paris, en province, etc., a une grande, j'aime pas ce terme, mais cote de sympathie dans l'opinion. Il y a énormément de gens avec qui j'en parle, de ce qu'on fait chaque soir, de ce qu'est Nuit Debout, qui me disent « Ah, ça a l'air bien, il faudrait que je trouve le temps d'y aller ». Face à ça, le projet Nuit Debout Itinérante peut être un moyen modeste de dire « Bah attends, ça vient à toi ». Et je dis pas que c'est parfait, ça va tout changer. Non, c'est pas le sujet. C'est une démarche qui va dans les deux sens. Il faut que Nuit Debout aille à ces personnes et ensuite que ces personnes s'impliquent dans Nuit Debout ou ailleurs, mais s'impliquent. Et en ce sens, ça me paraît très intéressant comme projet de dire « Bah, Nuit Debout, c'est pas que Place de la République, ça peut être partout. C'est une idée, c'est des projets, des débats, une construction politique. Et le fait de le déplacer peut justement permettre de donner à ce concept une réalité. » Je sais pas s'il y avait quelqu'un là. Attends, il y avait juste quelqu'un d'abord, non, c'est bon. Ouais, je reviens sur l'exemple qui a été donné sur la marche des années 80. Qui allait d'un point A à un point B, avec une seule idée, rendre visible les problèmes de racisme en France. Donc déjà, il y avait une vraie motivation, un vrai enjeu. L'idée de se déplacer, ouais, Nuit Debout n'est pas qu'à Paris, c'est ce que tu viens de dire, il est partout. Mais voilà, il est dans pas mal de grandes villes. Donc l'idée d'itinérance, moi je la vois plutôt comme ce que vient de dire le jeune homme, plutôt à partir des nuits debout qui existent déjà en région, c'est eux qui peuvent justement aller autour d'eux, parce qu'une itinérance de A à B, Z, C, etc., je ne vois pas l'idée. L'idée, c'est bien de voir combien nous sommes à peu près, l'idée, de pouvoir à la limite pas se compter, mais pourquoi pas. Et donc l'itinérance, ça va justement, comme tu disais aussi, peut-être marginaliser ce mouvement, peut-être l'affaiblir, alors que si on part de ce qui est déjà existant dans les régions, dans les villes, et Paris, oui, comme les autres, hein, pas moins, pas plus, je vois pas l'idée d'itinérance, je vois plus l'idée que les villes qui sont nuit debout, elles, autour, essaient de justement de fédérer par les moyennes villes, par les campagnes. L'itinérance, c'est une belle idée, hein. Je marche pas sur cette idée, hein. Je crache pas sur cette idée, mais elle donne à réfléchir, oui, sur sa portée. Je vois plutôt une solution comme ça, en araignée, où les villes peuvent apporter ce qu'elles ont déjà généré comme idée, parce que effectivement, il n'y a pas qu'ici que des idées ont été discutées, sont nées. Voilà, c'était un peu mon idée. Bonjour, donc moi j'avais un peu la même idée que vous en fait, mais toute seule de mon côté, et je recherchais des gens qui étaient motivés pour partir un peu en randonnée comme vous. Sauf que, en fait, en calculant à pied combien de temps on mettrait de Paris pour rejoindre le centre de la France, on a à peu près un mois de marche, mais en calculant très très lentement, hein. On peut le faire en 2 semaines, mais si on n'est pas tous entraînés et qu'on fume et tout, un mois. Et du coup je me suis dit, au lieu de faire une convergence comme ça, on pouvait séparer la France en 4 et dire, voilà, Nuit Debout Paris va décider de partir. Moi je pensais au nord-ouest, parce que, enfin voilà, mais on peut décider, enfin on est plus situé dans le nord-ouest, et proposer aux autres Nuit Debout un peu partout en France d'organiser dans leur carré de France, ouais, voilà, de faire un peu des... Ouais, ou carrément... Attends. Ouais. Ouais, voilà. Tac. Non, celle-là, c'est bien. Enfin, et on pourrait faire un truc un peu comme ça. Et nous, Paris, c'est à peu près là. Du coup, soit on fait un tour comme ça. Ouais, on pourrait faire un tour comme ça. Et dire, par exemple, on part... on se donne rendez-vous dans 3 jours ici. Après, chacun se débrouille, on fait une étape de 2-3 jours ici, puis on se redonne rendez-vous là, dans une semaine, où je sais pas, enfin, j'ai pas encore... mais un parcours, mais plus petit, de façon à nous laisser plus de temps pour rester sur place, plus petit en randonnée, de façon à nous laisser plus de temps sur place dans certaines villes, comme Rennes, Nantes, enfin, j'ai des amis là-bas, c'est pour ça, et qui font aussi des Nuits Debout, mais qui s'appellent pas non plus Nuits Debout, enfin, c'est... Enfin, pour moi, Nuit Debout, c'est plus un lieu de réunion où chacun va venir pour faire un peu sa petite sauce. Mais justement, partout en France, c'est pas les mêmes Nuits Debout, quoi. Même si on se rejoint quelque part dans Nuit Debout, justement. La question qui se pose à ce moment-là, et même si c'est très, c'est une très bonne idée, c'est est-ce que, au-delà de Paris, il y a d'autres groupes, alors, Nuit Debout ou pas, qui seraient prêts à, et qui auraient les moyens humains et techniques de faire cette itinérance même réduite. Parce que Paris fédère énormément de gens, à Nuit Debout notamment, et c'est quand même la plus grosse force de frappe. Alors je sais bien que dans l'autre plan, tout ne part pas de Paris, mais c'est quand même une grosse force d'impulsion pour la suite. Là, j'en sais rien, vraiment. Je sais pas ce que vaut le Sud-Est en termes de mobilisation humaine à ce niveau-là. Moi, j'aimerais juste vous dire que je fais partie du collectif Nuit Debout du Minervois. Alors, le Minervois, si je peux vous montrer sur la carte, c'est vraiment pas très grand. Mais au niveau de l'échelle, je préfère cette carte-là. C'est genre ça, en 3 fois plus petit. C'est minuscule et on est plein de petits villages de 300-400 habitants séparés de quelques kilomètres. Et on est au moins aussi nombreux que ce qu'il y a là, si ce n'est plus. Donc là, je ne sais pas si à Paris vous êtes toujours ce nombre-là à peu près. Mais je voulais vous dire que ça ne se passe pas que dans les villes, ça se passe aussi dans les villages et dans les tout petits villages aussi. Et que nous, c'est très vigneron, donc c'est beaucoup de vignes, tout ça. Donc on est beaucoup là-dedans. Mais bon, on ne défend pas que notre région, on aimerait aussi parler avec tout le monde. Et du coup, voilà, je voulais que vous sachiez que c'est vraiment aussi dans les petits villages et que c'est pas que dans les villes. Il y a vraiment beaucoup de monde partout, quoi. Et on est des dizaines pour quelques milliers de personnes, quoi. Donc, c'est en proportion, c'est pas si mal, quoi. Oui, justement, moi, justement, comme je pense effectivement qu'il y a plein de gens qui sont dans des nuits debout, qui sont réunis comme vous l'êtes, partout. En fait, pour moi, le fait de faire ça, ça va pas détruire Nuit Debout. Au contraire, il y aura toujours Nuit Debout. Ça partira pas que de Paris, parce que justement, en faisant notre itinérance sur notre chemin, il y a plein de gens qu'on va rencontrer et qui vont vouloir peut-être nous rejoindre. À mon avis, c'est pas du tout absurde comme pensée. Et puis, en fait, c'est vraiment, d'une part, ça va faire de lien avec toutes les Nuits Debout qui existent. Encore plus que ce qu'il y a déjà comme lien, parce que il y en a déjà. Et ça va aussi permettre de donner une parole et de faire débattre, discuter des gens qui ne sont pas forcément dans Nuit Debout, parce que ce soit partout en France ou à Paris, faut bien avoir conscience, comme Adèle l'a dit, que nous on est là, mais au-delà de Nuit Debout, il y a plein de gens, d'habitants, de citoyens, ce que vous voulez, qui font pas partie de Nuit Debout, soit parce qu'ils viennent pas, parce qu'ils seraient plutôt pour, mais ils viennent pas, ou carrément qui sont contre, ou qui connaissent pas, ou qui s'en foutent. Enfin voilà, et ces gens-là, ils peuvent aussi avoir quand même envie, même si, comme on leur propose pas, ils en ont pas forcément l'idée, de prendre la parole et de discuter ensemble. Donc je pense vraiment que ça peut... On peut avoir des surprises, mauvaises aussi, mais des bonnes aussi. Et rien que ça permettra pas forcément une utilité au niveau de Nuit Debout, mais rien que si on propose un espace de parole et que des gens s'en saisissent rien qu'une fois, je pense que rien que pour ça, ce sera utile, quoi. En fait, je rebondis un peu sur ça. Je viens du Québec, puis on a fait un peu le même principe, la même idée de mouvement. C'était pas autour d'une lutte sociale, mais plus de la lutte environnementale, parce qu'on a eu des gros problèmes avec le pipeline et le pétrole et tout ça au Canada. Puis il y avait plein de mouvements super délocalisés au Canada, parce que c'est grand, puis on est vraiment pas beaucoup. Du coup, on a organisé ce qu'on appelait la marche des peuples. On est parti d'un petit village en région, en Gaspésie, puis on a traversé jusque Montréal. Au début, c'était 3-4 personnes, puis arrivé à Montréal, il y avait 10 000 personnes qui ont rejoint la marche. Donc, je crois vraiment que ce genre de mouvement itinérant-là peut rassembler beaucoup plus de gens. Puis, c'est exactement ce qui est arrivé. C'était plein de luttes, plein d'opinions. On avait, oui, une idée qui nous unifiait tous, c'était la défense de l'environnement, mais on a rassemblé, puis on a rejoint tout plein d'idéaux, puis de luttes, et tous, elles ont convergé, rendu à Montréal. Puis, ça a créé un véritable mouvement. Puis là, 2 ans après, on refait en ce moment la même marche qui se passe en ce moment en Gaspésie. Et c'est la même idée, ça fonctionne encore une fois. Ça fait 2 semaines que les gens marchent, ils étaient 3 au début. Ils sont rendus à peu près 300, mais dans des petites communautés. Puis tout le monde se rejoint, puis ça crée un vrai gros mouvement. C'est l'exemple québécois, mais voilà. Merci. Quelqu'un d'autre voulait intervenir? Mais du coup, comme ce qu'on a vu au Québec, on voit que les marches, ça peut réunir énormément de monde. Du coup, je pense vraiment que c'est très, très ambitieux de tous converger en France et de plutôt vraiment que chacun dans notre carré, ou même on peut dessiner ça différemment, mais qu'on organise des parcours peut-être un peu plus petits, de dire voilà, Paris va faire ça, mais à Lyon, je pense qu'il se passe des trucs aussi intéressants et ils peuvent organiser leur parcours et essayer de se rencontrer déjà dans leur secteur géographique, quoi. Et quitte après à tous reconverger on peut faire ça au mois de juillet et au mois d'août, si, pour ceux qui sont vraiment pas fatigués, reconverger en centre de France et là se rencontrer et faire un gros débrief et essayer de voir, quoi, ce que ça peut donner. Moi je reste très optimiste. Oui, bonjour. Mon surnom indien, c'est La Patte Folle. Donc, La Patte Folle, je trouve ça super intéressant, la marche. Mais j'aimerais bien savoir si à côté, vous allez recueillir les doléances. sur un espace internet. Par rapport à Nuit debout itinérant, c'est ça? Bah, bon, je réponds, mais à mon nom, hein, c'est une idée. On n'y avait pas vraiment pensé. Pour le moment, on réfléchit plus au cadre et pourquoi, comment. Mais pourquoi pas, si en fonction de comment les gens prennent la parole et ce qu'ils avancent, ce qu'ils débattent, effectivement, ça pourrait être une idée de mettre à disposition une sorte de cahier sur lesquels les gens pourraient poser leurs questions ou leurs doléances et de le mettre en ligne si ça leur convient, si ça leur dit, pour faire justement un pont également au niveau numérique. C'est une idée. Oui, tout à fait, puis ça me permettrait justement que les gens qui sont restés sur les plus puissent aussi suivre du coup ce qui se passe au niveau de la marche. Enfin, on pourrait imaginer si on a des accès à internet suffisants, voilà, des comptes rendus qu'on envoie à chaque fois tous les soirs par rapport aux doléances qui ont été faites dans la journée et du coup ce serait un travail, j'ai envie de dire presque d'archives, qui serait assez énorme mais vraiment extraordinaire, enfin d'une certaine façon ça n'a rien à voir avec les sondages. Voilà, ce serait c'est là où je disais, enfin on disait vraiment à l'envers de la médiatisation telle qu'elle existe actuellement. Ce serait vraiment une autre forme de rencontre et de partage et d'information par rapport à tout ça. Puis en plus, au-delà de à côté de la question des doléances, le fait aussi d'être numérisé, entre guillemets, ça ferait aussi l'idée que n'importe qui, de n'importe où, peut nous rejoindre et faire switcher les places, enfin voilà, quand ils veulent. Soit nous suivre sur tout le long du truc, soit nous rejoindre, voilà, enfin. Voilà. À voir comment ça peut se faire ou comment ça pourrait se passer, mais. Désolé, je reviens sur pourquoi une convergence alors pour l'idée c'est quand même de faire sortir le plus d'intéresser le plus de gens possible à cette idée qui est bonne. Pourquoi une convergence au départ? Pourquoi pas essayer de penser à des convergences, enfin à partir de cette carte, enfin voilà, faire remonter quelque chose, mais aller converger un point central de la France, je vois vraiment pas qui, enfin je vois pas comment on va pouvoir voir à quel point Nuit debout est important et où il y a du monde. Voilà, j'en reste à l'idée que faire converger, ça a déjà été fait d'un point A à un point B. L'exemple est vraiment très intéressant. La géographie française, c'est pas la même que celle du Canada. Ouais, je reviens à cette idée de faire converger un maximum de gens. Alors, pourquoi un seul point? Si il y a plusieurs points, il y aura plus de monde. Ça, c'est logique au départ. Après, l'idée que ces convergences remontent en une seule, oui, par une marche symbolique, par, mais au départ, l'idée, ce serait de faire converger un maximum de monde, ou n'importe où, finalement, pour qu'il y ait du monde et un fort nombre. C'est une question, hein. C'est pour ça, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, l'idée principale c'est pas le point du milieu, c'est la marche qui... Le point c'est, voilà, c'est juste la fin, c'est juste le moment où, bon bah du coup on se retrouve et on se dit, bon alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a peut-être des gens justement qui étaient, qu'on a rencontrés pendant cette marche, qui viendront avec nous à ce moment-là, mais c'est vraiment ce point-là, enfin c'est comme les... Il a autant de valeur que les points de départ, j'ai envie de dire. Je veux dire, c'est juste pour qu'on fasse le maximum de rencontres. L'intérêt c'est la marche, c'est pas là où on arrive. C'est après... C'est pour ça que voilà ce que tu proposais de faire du coup des points j'irais en quadrillage, enfin en quatre parties, c'est vu que le point de la fin n'est pas la chose la plus importante, du coup ça aurait le même principe, enfin au contraire. Oui, c'est pour ça, mais il faudrait revoir le schéma alors. Il me semble que l'étape régionale, hein, ou plus petit que ça encore, au niveau des villages, etc. C'est par là qu'il faut commencer à faire bouger. Tout le monde devrait bouger, finalement. Tout le monde devrait devenir itinérant dans cette histoire. Mais on peut pas tous d'emblée converger vers un point. Mais bon, voilà. Ah, pardon. Bon, je dis juste, et puis je te passe le micro. En plus, rien... je sais pas si on l'a dit, mais rien ne dit qu'on va partir de Paris. Hein. On pourrait tout à fait partir de Brun-sur-l'Authion. Enfin, je dis ça parce que c'est le village d'où je viens, mais bon. Ouais, voilà. Et puis, rien ne dit non plus qu'on va partir uniquement d'un point. On pourrait effectivement, comme ça a été dit, partir de plusieurs points. Il y a ça. Et puis, où est-ce qu'on va arriver? J'en sais rien. Et je sais, si ça se trouve, on n'arrivera jamais. On marchera jusqu'à notre mort. ou alors, à côté de ça, rien n'est dit non plus qu'une fois qu'on sera passé par un endroit, une fois qu'on sera reparti, il se passera plus rien. Et peut-être que du coup, ça va justement faire émerger, faire bourgeonner plein de petites nuits debout un peu partout, et au final, on sera plus qu'une grosse nuit debout. Enfin, là, je rêve un peu, mais en gros, il pourrait tout à fait aussi, après notre passage, du coup, les gens pourraient continuer en fait à créer cet espace. Enfin, besoin de personnes qui arrivent pour lancer le truc. Une fois que c'est lancé, ça peut se passer sans nous. Enfin, parler, tout le monde peut le faire. Ce qu'on pourrait faire pour faire avancer justement l'évolution de, enfin, si on veut rassembler plus de personnes, sans compter quelconque laps de temps ou quoi, c'est vraiment ce qu'on pourrait faire, c'est que vu qu'on a divisé ici la France, la carte en quatre secteurs, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir chaque commune, je voulais parler par rapport à l'archivage de toutes les doléances. Serait plutôt de rassembler plusieurs causes communes par secteur, pas qu'une seule, puisque bien évidemment on parlerait de plusieurs sujets, mais qui aurait plusieurs causes communes définies par ces secteurs, et qu'ensuite, une fois arrivé au point de convergence, on ait plusieurs sujets, même si vous voulez peut-être pas qu'il y ait un mouvement derrière, ça pourrait peut-être justement enclencher un mouvement du peuple, clairement, et on pourrait, pas spécialement se montrer à l'Elysée pour brailler, mais avoir justement chacun par secteur des idées et qui seront entendues, enfin développées, dites et entendues peut-être par le gouvernement, quoi. Ouais. En fait, le problème qui se pose là-dedans, c'est il me semble que les causes communes, elles arriveront à la fin de la marche, voilà. Quelles sont les choses qu'on aurait le plus répétées finalement tout au cours du mouvement, alors que de partir avec des causes communes, ça voudrait dire qu'on arrive quelque part en disant voilà ce qui devrait vous poser problème, enfin, ou en tout cas on veut débattre autour de ce truc là, mais ça se trouve ce truc là pour eux c'est pas du tout la question du jour, enfin voilà, c'est pour ça, alors qu'en faisant une marche finalement sans revendication, et ben il y a des revendications partout, je pense, c'est même sûr, et il y a certainement plein de revendications qui n'ont jamais émergé à nuit debout parce que elles sont pas sur ces endroits-là où ces revendications existent. Donc peut-être que, donc certainement, si voilà, les doléances seront beaucoup plus explosives déjà que ce qui existe à Nuit Debout. Il y aura peut-être très certainement des doléances opposées les unes aux autres. Et l'intérêt, ce sera de les mettre en confrontation, justement, parce qu'on, voilà, on part de l'idée qu'il y a du conflit et que ce conflit est constructeur et qu'il faut pas essayer de le gommer ou de l'éviter. J'ai juste une question en fait, je voudrais savoir qui vous suivrait dans cette démarche, parce que ça représente quand même une sorte de pèlerinage de au moins un mois, voire deux, et je pense pas que tout le monde ait les moyens, parce que certains, comme les étudiants ou les personnes qui sont au chômage, auront pas de soucis à vous suivre, mais je pense pas que tout le monde serait prêt, en tant que salarié, à prendre un mois de congé. Comment ? Ouais, mais après voilà, il y aura quand même un souci technique à un moment, c'est que les gens ils seront bien obligés de repartir au travail. Or, je pense que c'est justement ces personnes qui auront le plus de poids dans les discussions, parce qu'eux ils ont aussi un aspect concret. Moi je vous dis ça, c'est juste parce que je travaille aussi. Et puis dans l'idée où je voudrais vous rejoindre, ce serait quand même très compliqué de placer un mois de congé. Donc en fait voilà, la question c'est de savoir qui vous suivrez, quoi. Les étudiants, ceux qui ne travaillent pas, ok, je vois pas de problème. Mais après le reste, je pense que c'est eux justement la grande majorité, quoi. Oui, oui, non, mais l'idée c'était vraiment que voilà, quelqu'un peut venir deux semaines et puis ça tourne. Enfin, que ce soit pas ceux qui partent au début qui restent à la fin. Au contraire, si ça peut tourner comme ça, enfin, ça reste dans l'idée de Nuit Debout qu'il n'y a pas de leader aussi, mais. Aussi, je prends en place un système plus de relais de la marche et relais de la parole. dans le sens que ceux justement qui vont venir pendant une semaine vont rencontrer des gens sur place qui eux resteront deux semaines et c'est avec ces personnes qu'il faut échanger du coup en se disant voilà si j'arrive à justement les rencontrer, leur parler, échanger, ils comprendront en substance pourquoi est-ce que moi je marchais et quel message je voulais transmettre et si à la fin du mois on arrive à converger plusieurs convergences et qu'on fait une espèce de gros brainstorming et débrief de tout ce qui s'est passé, retrouver justement les idées du début, des personnes qui étaient là au début, et voir ensuite si ces idées ont été relayées, développées et argumentées, ou si elles sont restées lettres mortes. Après, c'est encore, j'imagine, en projet pour tout le monde, du coup, mais c'est bien d'évoquer ces questions. Et un relais de la marche et un relais de la parole, ça peut être une bonne façon aussi de communiquer et d'inviter les gens à participer à leurs moyens, deux jours, une semaine, un mois. Si je le fais le mois, c'est sûr, mais pas toute seule. Du coup, il faut qu'il y ait des gens qui soient là, même si c'est que pour une semaine, pour accompagner justement ceux qui flippent de se dire, moi, si je pars un mois ou si je pars deux mois et qu'à la fin, je me retrouve tout seul, comment... voilà. Donc si, même une semaine, c'est important. Je reprends l'exemple québécois pour dire ce qui s'est passé un peu par chez nous. C'était beaucoup des étudiants, oui, certainement des gens engagés qui travaillent pour des ONG, des ASBL d'un peu partout, qui constituaient le noyau de la marche, quoi. Mais après ça, qu'il y ait 5 personnes qui marchent de façon permanente ou qu'il y en ait 200, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il y a toujours des gens qui viennent puis qui font vivre le mouvement, que ce soit le week-end ou que la personne prenne 2 jours de congé ou une semaine ou un mois. Ça change rien. Il faut juste qu'il y ait toujours les 5 personnes, 6, 7, 10, qui crée le noyau. C'est ça l'important, c'est qu'il y a des gens qui relaient après le mouvement puis qui embarquent dans la marche. Mais c'est pas que des étudiants, c'est beaucoup des gens des communautés. Si vous passez par un village, ça va être les gens du village qui vont venir marcher avec vous, qui vont venir vous parler, qui vont venir amener leurs idées. Mais dans ce cas-là, au village, il va y avoir plus de personnes. En tout cas, c'est mon idée, là, mais... Puis je précise. C'est juste pour savoir si l'intervenante suivante est parmi nous, Zora. Si elle peut se manifester, t'es là. D'accord, ok. Merci. C'était juste pour dire en plus que par rapport à cette question de qu'est-ce qui peut venir et tout, nous, quand on a pensé à ça, justement, dans notre groupe, c'est assez varié. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont au chômage, il y a des étudiants, il y a des gens qui travaillent, et d'autres, voilà. Et donc cette question s'est posée, mais effectivement, je pense que que ce soit le noyau ou les gens qui nous accompagnent, ils peuvent tout à fait venir une journée, deux journées, plusieurs semaines, un mois, un an. C'est en fonction justement des possibilités de chacun, mais comme ça va tourner, à partir du moment où on est assez nombreux, le fait que ça tourne, du coup, ça va faire en sorte que ça fonctionne, quoi. Il suffit qu'on soit assez nombreux. Et même sur la question, finalement, de comment on vit... Si on reste au-delà des gens qui viennent juste passer une journée, les gens qui viennent une semaine ou plusieurs mois, comment on vit, en prenant en compte bien sûr qu'on n'a pas tous des milliers de dollars ou d'euros pardon sur notre compte, ça c'est une question. J'ai pas vraiment la réponse. Je pense qu'il y a des jours ou voire des semaines où ça va être compliqué et où ça va être très dur. Mais je sais pas, il y a plein d'idées qui peuvent pallier ça. On pourrait même penser même à faire une caisse sur internet là, comme plein de gens le font, pour on pourrait monter une asso et du coup faire une caisse et dire voilà, pour la marche, faites des dons pour qu'on puisse manger, enfin des trucs comme ça. Ou ça pourrait tout à fait être participatif, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'arrête tous les jours dans un village, on fait un repas collectif et du coup tout le monde met, enfin je sais pas, il y a plein de possibilités au niveau de la... L'idée d'une grande marche à travers le pays, moi je trouve ça absolument formidable comme idée, j'adore. Je veux en être absolument. La question des doléances. Bon, pour moi, les doléances, c'est d'abord... j'ai plein de doléances. Et je voudrais qu'on veut à faire nos doléances, mais auprès de qui? Pour qui? À qui? Au gouvernement, je pense pas que ce soit le plus intéressant, mais auprès des travailleurs eux-mêmes, des habitants eux-mêmes, là oui, là il y a vraiment un champ à explorer. Finalement, le but d'une telle marche, ça pourrait être justement de favoriser l'échange autour de d'une plateforme générale pour un objectif de transformation de la société, mais aussi à l'échelle locale et y compris par secteur de production, par entreprise. On pourrait tout à fait imaginer les marcheurs qui débarquent dans une ZAC ou une ZIC, un bled, qui diffuse un tract devant une grande entreprise, qui donne un rendez-vous sur la place du village, et puis qui finalement organise une assemblée et qui discute, voilà, quelles améliorations on pourrait faire dans l'entreprise, comment on pourrait créer un lien entre les habitants et leurs demandes légitimes, peut-être en termes environnemental, et puis les salariés qui se battent dans l'entreprise pour protéger leur santé, pour améliorer leurs conditions de travail. On pourrait imaginer une marche qui soit, voilà, un mouvement de contestation de l'ordre actuel et puis de révolution peut-être, et puis après une marche qui commence et puis qui finit pas ou qui finit jusqu'au moment où effectivement on est en capacité de gérer la production, les échanges, de participer à la vie politique, et jusqu'au moment où on en a fini avec l'esclavage salarié qu'on connaît actuellement. Oui, juste dans l'exemple que vous prenez de l'entreprise, à condition que ce soit eux qui fassent qui aient déjà cette demande-là quand on arrive. C'est pas nous qui allons arriver en leur disant comment vous pourriez améliorer le truc, mais peut-être que pour eux tout va très bien. Enfin voilà, on va certainement aussi rencontrer des personnes pour qui le système tel qu'il fonctionne leur va. Enfin, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. On va certainement rencontrer des personnes qui sont totalement, c'est pour ça que je disais y aller sans revendication, parce qu'on va certainement rencontrer des personnes qui seront complètement contre, enfin, pour la loi travail par exemple, contre les revendications de Nuit Debout, et l'intérêt ce sera de savoir mais qu'est-ce que vous trouvez là-dedans, qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que vous pensez que ça peut vous apporter, et de créer un débat. Donc c'est clair qu'il y a des gens qui ont absolument, enfin voilà, moi il y a des gens que je vais pas comprendre, il y a des gens qui ne vont pas me comprendre, ça va pas forcément converger, mais il va y avoir du débat, et rien que le débat c'est ça qui politise les gens, et à partir du moment où il y a du débat ils vont se rendre compte aussi que du coup par l'échange, ils vont peut-être un petit peu se décaler. Peut-être que, voilà, moi aussi, je vais certainement me décaler par l'échange. Enfin, c'est déjà, voilà, ce qui se passe à Nuit Debout depuis tout ce temps-là. Enfin, c'est pas si longtemps, mais j'ai l'impression que ça fait déjà 3 ans. Et donc, voilà, surtout ne pas dire, il faudrait, nous, on veut changer cette société, donc on voudrait vous proposer ça. Non. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il y a maintenant? Et voilà, c'est... Oui. Oui, mais vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont vous dire absolument l'inverse. Mais justement, enfin, je pense que on pense à Marx aussi qui dit il faut arrêter d'interpréter le monde, il faut le transformer. Mais c'est le même qui disait c'est le marcheur qui fait la route. Et je pense qu'effectivement, si on arrive avec trop de revendications ou dans une perspective déjà révolutionnaire, je pense qu'il y a plein de gens aussi que ça va un petit peu évincer. Donc du coup, c'est vraiment dans cette idée en fait d'arriver et de quelque part s'imprégner un petit peu de ce qui se passe, enfin aussi à ce qui peut se produire, et donc vraiment laisser la porte ouverte à tout ce qui peut, comme disait Adèle, quoi, tout ce qui peut arriver vers nous. Moi, pourquoi je marche? Parce que je trouve que ce qui se passe ici est fantastique et que les gens se parlent. Moi, j'avais vu ça dans un film de William Klein, Grand soirée petit matin, sur 68. Au début du film, on voit les gens dans la rue qui commencent à se parler de politique directement, et je pensais pas le vivre un jour. Et maintenant je le vis, quoi, et je trouve ça fantastique. Et j'ai envie de continuer ça par une marche. Et dans cette marche, je sais pas ce qui va arriver. Moi, c'est ce qui m'intéresse surtout, c'est ça. C'est que je sais pas du tout ce que ça va produire. Le point d'arrivée, c'est arbitraire. On s'en fout. Il peut être ici, ailleurs. C'est ce qui va se passer pendant ce temps, quoi. Et qui on va rencontrer et qu'est-ce qu'on va, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va construire ensemble, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter, qu'est-ce qu'on va leur apporter, qu'est-ce que, etc. Et ça, je pense que effectivement, oui, ça peut-être, comme tu dis, aboutir à une transformation sociale radicale, à une révolution, mais dans la pratique, quoi, tu vois. Mais je crois qu'après, on est tous un petit peu au fond, en fait, dans cette idée, bien sûr. Mais la mettre trop en avant, je pense que ça pourrait paraître agressif. C'est, tu vois ce que je veux dire? Mais elle est là. Voilà, elle est là, enfin tu vois, elle est là, je veux dire, mais elle est là dans, dans notre dans ce qu'on va faire au quotidien, quoi. Elle est là derrière. La mettre un petit peu en vitrine, ce serait peut-être un peu voilà, trop. Enfin, voilà. Effectivement, le but, c'est pas de faire un coup d'État inversé, hein, c'est justement d'avoir. C'est intéressant parce que c'est bien d'avoir toutes les opinions, et y compris justement les personnes qui veulent continuer de entre guillemets de servir le système. Et justement, enfin, le but aussi, c'est pas forcément de créer une grande révolution, un putsch ou je ne sais quoi. Là, c'est juste parce qu'il y a encore plein d'accords, plein de conciliations. Enfin, il y a encore plein de. C'est pas forcément le compromis, mais il y a plein d'espace. Il y a plein d'espace qu'on n'a pas encore exploité dans toutes ces discussions entre, enfin, que ce soit le gouvernement et nous, ou juste nous entre nous, entre citoyens avec nos situations différentes. Et je comprends ce que tu veux dire, parce que j'imagine que ton point de vue, c'est que par exemple. Il rejoint le mien, c'est que le système, par exemple, il va donner énormément de chances, énormément d'avantages à des personnes qui veulent bien s'y assujettir, et d'autres, enfin, s'y plier, s'y obéir. Enfin, j'ai pas d'autres mots parce que moi aussi je suis contre ça. Mais après, voilà, ces gens-là, on les autorise à vivre avec tout le confort disponible dans le monde, et les personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec ce système ne peuvent pas forcément tourner le dos et vivre leur vie pleinement en commune, enfin, ou alors en commun. En communauté, choses comme ça. On peut pas vivre en toute liberté, c'est clair. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut discuter, justement. Et sans vouloir prendre le pouvoir à la place d'un autre, quoi. C'est le plus important, je pense. C'est qu'on se comprenne tous, quoi. Je sais pas s'il y a encore des dernières interventions, mais parce qu'on va passer à... Oui, bonjour. Comment dirais-je, vous connaissez enfin Emmanuel Macron. Bon, lui, il parle de marche aussi. Et oui, et voilà. Mais il faut comprendre que lui aussi, il a un objectif aussi. Donc il y a des gens que ça leur parle. Donc nous, si on essaie d'être bienveillant avec qu'on dit Emmanuel Macron, donc nous, on ne doit pas forcément le porter d'anathème. C'est-à-dire que c'est à nous-mêmes de savoir qu'est-ce qu'on veut. Comment dit, il y a des gens que ça leur parle, d'autres ça leur parle pas. Voilà, c'est comme ça, comme on dit, il y a toujours, le problème c'est qu'on confond trahison et malentendu. La plupart du temps, c'est que des malentendus. Et donc, les malentendus font que, lorsque j'ai affaire à une personne, je dis voilà, j'ai tel ou tel projet, mais lui, est-ce que ça lui parle? Est-ce que ça correspond à ses intérêts? Donc, il faut que, en gros, dans la société, c'est le vivre ensemble. Donc, chacun doit défendre ses intérêts. Donc, il faut trouver, comme on dit, à qui on parle. Voilà. Et s'il y a un projet global, pourquoi pas? Voilà. Mais c'est vrai que ça fait débat. Bon, par exemple, le revenu minimum, par exemple, universel, pourquoi pas aussi? C'est un débat aussi. Voilà. Je pense que quand on s'engage sur un projet, il faut quand même avoir une petite idée de ce qu'on veut. Bon, alors après, tout le monde n'est pas obligé d'avoir la même idée, exactement. Si c'est susciter l'échange, c'est susciter l'échange, mais il faut le dire. Voilà, on veut susciter l'échange démocratique, la discussion. Mais pourquoi est-ce qu'on veut susciter l'échange? Parce qu'après tout, tout le monde, les gens discutent. Hein, les gens discutent dans les cafés, à la maison, sur Internet, sur Facebook. En quoi finalement le cadre qu'on va mettre en place, il est nouveau, il mérite qu'on y sacrifie du temps, qu'on y investisse nos moyens, etc. Tout simplement parce que pour moi, si ce projet on s'engager sur ce projet-là tout simplement parce que la société actuelle elle est pas satisfaisante, quoi. Ça va pas. Il y a des choses qu'on veut changer. Après voilà, discutons de quoi et de comment. Moi je veux participer à cette marche, j'ai des idées. Je pense qu'on travaille trop. Je pense que l'ouvrier, il est pas payé suffisamment, il est méprisé, il a aucune possibilité de, ou très peu, de participer à la gestion de son entreprise, de la production en général. Je pense que on est exploité, que l'exploitation, les rapports d'exploitation, et c'est absolument révoltant qu'on y soit toujours. Que ce soit toujours notre quotidien. Il y a plein de choses auxquelles je pense et que j'ai envie qu'on discute et autour duquel je voudrais qu'on se mobilise. Après, on sera peut-être pas d'accord sur les objectifs intermédiaires, sur même peut-être les objectifs finaux. On sera pas d'accord forcément sur les moyens, mais en tout cas, si cette marche elle a un sens, c'est parce qu'elle suscite la révolte, parce qu'elle suscite le désir de s'organiser collectivement, de discuter de ce qu'on veut, de ce qu'on veut plus, et de changer les choses. Voilà. Je pense que, juste pour te répondre, l'objectif pour moi de cette marche, c'est vraiment de rencontrer les gens et de discuter. Mais je sais que si je participe à cette marche, par exemple, je vais rencontrer des gens qui pensent comme toi et qui auront envie de se révolter et de s'organiser ensemble. Mais on va peut-être rencontrer d'autres personnes qui auront d'autres avis et qui voudront aussi s'organiser, mais en passant peut-être par un autre chemin. Et... En gros, c'est ça. C'est l'objectif de cette marche, c'est de se rencontrer, en fait. C'est pas d'organiser une révolte, mais déjà de commencer à discuter pour voir qu'est-ce que l'autre pense, comment il pense le monde, comment il pense sa vie, comment il s'organise au quotidien. Et c'est pour ça que l'important dans la marche, c'est vraiment de marcher. Moi, je le voyais vraiment comme on se donne rendez-vous dans 3 jours dans telle ville. Et limite, chacun peut se débrouiller pour y aller à vélo, à pied et passer par différents chemins et essayer d'organiser quand même des groupes parce que seul, de toute façon, c'est jamais sympa de marcher. Mais voilà, d'organiser plusieurs marches qui convergent dans différents points et plusieurs points, enfin plusieurs départs de marche en fait. Et comme ça, on retrouverait peut-être pas toujours les mêmes personnes, parce que si la marche devient trop grande, elle peut se diviser en un qui va par là, un qui va par là, et rendre le maximum de personnes, et essayer de voir comment on peut s'organiser déjà à notre échelle, et avec les gens qui vivent vraiment proche de nous, parce que bon, Paris c'est tout petit, l'Île-de-France c'est grand, mais pas si grand que ça non plus, et même la France, on peut dire c'est pas si grand que ça, mais... Déjà à notre échelle, essayer de rencontrer le maximum de personnes qui vivent autour de nous, justement, et de discuter avec eux, avant d'essayer de révolter qui que ce soit. Je sais pas si t'es toujours pas convaincu. Oui, parce que au début, ce qu'on disait, c'est qu'on voulait... Toi, ce que tu dis, c'est une manifestation, finalement. C'est la même forme, presque, qu'une manifestation. Alors que l'idée de la marche, c'était... C'était justement, enfin voilà, Fabrice le disait tout à l'heure avec le film qu'il avait vu, c'est qu'en fait, on va susciter dans un espace comme ici où tout le monde se rencontre, des débats politiques. Ça peut être des débats politiques, mais ça peut être aussi rencontrer des modes de vie, ça peut être, mais surtout l'intérêt, c'était quand on arrive quelque part, quels sont leurs problèmes et les problèmes des personnes qui sont là et aussi qu'elles pensent elles de Nuit Debout et aussi c'est l'aspect information plus que revendication quoi, c'est vraiment dans cette idée là. Bon, on peut-être qu'on s'arrête. Merci à tous, vraiment c'était super. Du coup ouais. Du coup, on vous propose de, comme ce débat n'est pas fini, d'en reparler en fait la semaine prochaine. À quelle heure on en reparle ? Peut-être déjà s'il y a des gens qui sont intéressés par cette marche, on peut peut-être prendre les contacts, pour laisser la place à l'intervention suivante, et puis comme ça voir déjà de quelle façon on peut commencer à diffuser l'information au-delà. Voilà. Et puis de toute façon, on a une adresse mail, donc vous pouvez nous écrire via le blog aussi, enfin par mail. Avant d'accueillir la prochaine intervention et dernière, je voudrais vous passer un message de la commission sans logis, donc qui font en fait, qui organisent un petit déjeuner solidaire jeudi à 10h à l'hôtel de ville. Pour tous les sans-logis, les SDF, les réfugiés, les hébergés, les familles, les célibataires. Voilà, donc ils ont un stand là-bas, sur ma gauche. Donc ils ont des tracts et tout, donc si voilà, vous pouvez aller vous renseigner là-bas. Voilà, par ailleurs, n'hésitez pas à nous proposer, dans le cadre d'éducation populaire, cette fois, vos interventions. N'importe qui peut venir proposer un thème, une réflexion sur sa pratique, n'importe quoi. Donc on vous inscrit et vous venez. Et puis si vous voulez faire partie de l'organisation, on a toujours besoin de bras, de têtes, de tout. Donc n'hésitez pas à venir nous aider, même si c'est une fois de temps en temps. Voilà. Et puis on a une boîte à questions. Si vous avez des questions, on en débat tous les samedis, tous ensemble, sans intervenant cette fois.